Lomane et Bigot, l'étrange matière. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Chapitre 1. Les bandits mystérieux. Paul Escander, le célèbre reporter du Monde, arriva comme un fou dans le hall du grand journal et, traversant la salle de rédaction où il sema une sorte de panique, monta chez le rédacteur en chef. Il entra, sans se faire annoncer, dans son cabinet. « Eh bien, qu'avez-vous, Escander ?» dit le sautaire. Mais Escander était vraiment trop ému pour répondre à cette interrogation. À court d'haleine, il se contenta de poser sur la table du rédacteur en chef un carré de papier, pas très grand, sur lequel étaient imprimées en assez gros caractères les lignes suivantes. L'association des Rajisrak n'ayant pas, malgré un avis répété trois fois, reçu du gouvernement la somme de 100 millions de francs dont elle l'a taxé, a provoqué, à titre d'avertissement, la première catastrophe. À l'heure actuelle, la Beauce est en feu. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » questionna le rédacteur en chef en regardant son collaborateur avec curiosité. « D'où cela vient-il ? » « Ça tombe du ciel, » dit Escander. « D'ordinaire, les canards n'en tombent que quand ils sont blessés, et celui-ci me paraît robuste. »« Ne riez pas, patron, la chose est sérieuse. »« Expliquez-vous !»« Voilà, j'allais à la chambre quand, sur les boulevards, dans les rues, partout, tournoyant et tombant sur le sol, une nuée de petits papiers s'abattit. Machinalement, je levai les yeux, cherchant l'avion qui envoyait ça, mais le ciel était vide et je n'attachais pas d'importance à cette pluie, sachant que c'est devenu l'une des formes de la publicité. D'ailleurs, les passants paraissaient aussi peu curieux que moi. Quelques-uns lisaient le papier, puis le rejetaient, mais comme une de ces feuilles, celle-ci, me passait devant le nez, je la saisis au passage. Bien entendu, je fis comme vous et je crus à un canard. Cependant, une phrase du dernier discours du président du Conseil me revint à l'esprit, phrase ambiguë dont le sens m'avait échappé. « Soyons unis, messieurs, qui sait quel danger menace encore la France ?» Au premier abord, cela paraissait être une de ces manœuvres par lesquelles un ministre consolide sa position. Mais rapproché du texte que je venais de lire, la phrase prenait une autre signification. « Vous savez que je n'aime pas que les choses me demeurent obscures. » Dès mon arrivée à la chambre, je téléphonai à Lavas, qui m'annonça qu'en effet, on signalait des incendies en Beauce. Mais les détails manquaient encore. Alors, me souvenant que j'avais un ami substitut à Chartres, je lui lançai un appel, et voici ce qu'il me répondit. D'abord, on avait signalé l'explosion de l'incendie à l'un des coins d'une immense plaine, sans cause apparente. Le fléau s'était développé rapidement, non pas en s'étendant dans toute la plaine plantée en blé, mais en suivant une zone absolument rectiligne, large de 100 mètres, et partant de l'un des coins de la plaine pour rejoindre en diagonale le coin opposé. Plus tard seulement, le feu avait gagné toute la plaine. Puis d'autres plaines s'étaient incendiées sur plusieurs centaines d'hectares. Tantôt le feu avait progressé en ligne droite, tantôt en dessinant un triangle. Il y avait donc là autre chose qu'un fait dû au hasard. Un incendie spontané comme il en éclate quelquefois, puisque le feu semblait tracé sur le sol des lignes, selon un plan préconçu, œuvre d'une intelligence humaine. Le patron resta songeur, les doigts de sa main battant à coups précipités le rebord de son bureau. « Vous pensez bien, patron, que, muni de ces renseignements, je ne fis qu'un saut à l'intérieur. Je ne vis pas le président du Conseil, qui, vous le savez, a quitté brutalement Paris hier, mais son chef de cabinet me reçut. Comme il ne pouvait nier, il entra immédiatement dans la voie des aveux. Voici ce qu'il me dit. Il y a 8 jours, le président a reçu un premier avis, à peu près conçu dans le goût de celui que vous apportez là, puis un second, enfin un troisième, ce dernier orné au sommet de 2 triangles, l'un la pointe en bas et bleu, l'autre la pointe en haut et rouge. Nous avons cru à l'œuvre d'un fou. Alors sont survenus les incendies. Une enquête a été prescrite et le gouvernement a déjà pris des mesures de précaution qui suffiront, j'en ai la conviction, à éviter le renouvellement de pareils faits. Mais les tracés suivis par le feu ? Ah oui, mais faut-il croire ce que disent les paysans ? Et puis, ne peut-on admettre que le feu ait obéi aux directions que lui imprimait le vent ? Les singulières figures dessinées par l'incendie ne serait ainsi que le résultat du hasard. Et voilà, termina Iskander. Il m'a de plus promis de téléphoner ici dès qu'il aurait de nouvelles informations. Vous avez, comme toujours, Iskander, parfaitement agi. Avec promptitude et intelligence. Je vous remercie. Maintenant, vous allez prendre un avion du journal et filer sur les lieux du sinistre. Je compte sur des articles sensationnels, car tout cela est mystérieux. Allez !» Iskander était parti 25 minutes après, et le soir même envoyait son premier papier, qui confirmait les faits. Le lendemain, vers 3 heures, par des moyens qui ne furent pas connus, le Parlement, les ministres, la presse, reçurent un avis signé les Rajisrak, exigeant encore la même rançon de 100 millions ou menaçant de semblables désastres. On apprenait presque en même temps que des incendies faisaient rage dans le midi de la France. Cette fois, la catastrophe était d'une autre envergure, car des habitations avaient été atteintes par le fléau et il y avait de nombreuses victimes. Un télégramme lancé par le Sauter, rédacteur en chef du Monde, à Iskander, toujours à Chartres, envoya celui-ci sur les lieux de la nouvelle catastrophe. Les nouvelles que firent parvenir le reporter étaient graves. Beaucoup de femmes et d'enfants avaient péri. Le feu avait éclaté en plusieurs endroits à la fois, et aucune trace des incendies n'avait pu être relevée. Ceux qui avaient vu de près la catastrophe étaient unanimes à déclarer qu'ils avaient senti comme une vague de feu et avaient été aussitôt saisis par l'asphyxie. La plupart des grands vignobles étaient détruits. Le doute n'était plus permis. Force était de reconnaître l'existence d'une puissance formidable et mystérieuse avec laquelle il allait falloir compter. Par une nouvelle note, cette puissance accordait un dernier délai de 48 heures pour le paiement du tribut réclamé, sans quoi Paris subirait à son tour les effets de sa colère. Paris menacé, les choses prirent une autre tournure. Très compatissant pour les malheurs d'autrui, ayant facilement et généreusement la main à la poche, il n'admet pas pour lui-même qu'une question d'argent puisse empêcher de liquider une affaire fâcheuse ou soit une entrave à sa quiétude. Paris se fâcha, se fit grondeur, la panique s'en mêla, la bourse fut influencée. Dans un conseil qui eut lieu à l'Élysée à 10 heures du soir, le ministre de l'Intérieur mit le président de la République et les autres ministres au courant des conditions stipulées dans la première note qu'on avait prise pour l'œuvre d'un fou. La presse, le Parlement, le public ignoraient encore ces conditions. La somme de 100 millions, constituée en or et en billets de banque, devait être remise dans des conditions permettant aux destinataires de rester inconnus. Des menaces de terribles représailles étaient formulées pour le cas où les autorités tenteraient de découvrir l'association, qui s'appelait elle-même Rajisrak. Ainsi, dit le ministre de la Guerre, au milieu du silence général qui avait suivi ces déclarations, ainsi la France est à la merci d'une poignée de malfaiteurs. Le ministre de l'Intérieur eut un geste de découragement. Nous avons, dit-il, attendu, croyant d'abord à une plaisanterie, puis à l'existence d'une bande de vulgaires incendiaires, mais une enquête sérieuse et rapidement menée ne nous laisse plus de doute. Nous avons affaire à une force mystérieuse, au service d'inconnus, que nous sommes actuellement incapables de combattre. C'est piteux, dit le ministre de la Guerre. J'en conviens, concéda le ministre de l'Intérieur. Mais mon cher collègue, si je vous disais allez combattre et réduire ceux qui se cachent sous ce nom de Rajisrak, que feriez-vous? Je les chercherais. Et pendant ce temps, la France brûlerait de bout en bout. Le mystère de la Guerre se tint quoi, mais haussa les épaules. Monsieur le président du Conseil, questionna le président de la République, comment cette somme devrait-elle être remise? Voici, monsieur le président, la somme totale doit être enfermée dans un autocamion de l'armée, scellée, puis conduite dans la forêt de Senonches, à la limite de l'Orne, à la patte d'oie du Sénéchal, et abandonnée là, seule, sans surveillance d'aucune sorte. On l'enlèvera au cours de la nuit. Mais alors, rien n'est plus facile que de prendre ces bandits, fit remarquer avec véhémence le ministre de la Guerre. Chargez-moi, et c'est chose faite. Le ministre de l'Intérieur, interrogateur, se retourna vers le président de la République. « Est-ce votre avis, monsieur le président ?»« Quel est le vôtre, mon cher ministre ?»« Mon avis est d'obéir, monsieur le président. Le danger qui se dresse devant nous est double. D'une part, les bandits qui nous rançonnent. D'autre part, la population prête à s'affoler. Les bandits inconnus ne sont pas des gens à se laisser prendre bénévolement. Il faut croire, au contraire, qu'ils sont certains de l'impunité et ont les moyens de déjouer toutes nos tentatives. Si nous dressons une embuscade autour du camion automobile, si nous faisons suivre ce camion, ils l'abandonneront plutôt que de laisser suivre leurs traces, et déchaîneront, en guise de représailles, une nouvelle série de catastrophes. Voilà ce que je prévois, et voilà pourquoi, soucieux d'épargner à mon pays de nouveaux sinistres, de nouvelles pertes en vie humaine, j'incline à croire qu'il faut obéir, si dur que cela soit. Si Monsieur le Président de la République estime qu'un autre ministre n'hésiterait pas à affronter le péril, je suis prêt à déposer entre ses mains mon portefeuille. » Il y eut un silence après un geste du président de la République qui semblait repousser loin de lui une pareille responsabilité. Le débat était clos. « Comment entendez-vous faire parvenir à ces gens le consentement de la France ?» questionna le président de la République. « Par un marconigramme lancé de la tour Eiffel et comportant ces deux mots, « France consent ».« Quel scandale, quelle honte !» dit le ministre de la Marine. Un lourd silence accueillit cette remarque indignée. Chacun de ceux qui assistaient au conseil sentit qu'en effet il était scandaleux, honteux même pour un noble pays, sorti victorieux de tant de luttes, d'obéir à une poignée d'aventuriers. Mais le langage si clair, si net, si précis du ministre de l'Intérieur résonnait encore aux oreilles de tous et ne permettait de suggérer aucune autre solution raisonnable. À 1 heure, la tour Eiffel lança dans la nuit les deux mots qui sanctionnaient la défaite de la France. À 1h30, un camion cadenassé et scellé sortait de la Banque de France, conduit par 2 hommes. Il gagna rapidement la route de Chartres et de là, par un crochet, la forêt de Senonches, où il arriva à la patte d'oie. Là, comme l'ordre en avait été donné, les 2 hommes laissèrent la voiture, les phares allumés, et prirent place dans une autre auto qui suivait la première depuis Paris. Cette voiture, faisant demi-tour, reprit la route de la capitale. 20 minutes après son départ, 2 hommes vêtus en automobiliste, les yeux cachés par de larges lunettes, sortirent d'un taillis. Ils éteignirent les phares, visitèrent en détail la voiture à l'aide de petites lanternes de poche, se rendirent compte du niveau de l'essence et retournèrent dans le buisson dont ils étaient sortis, chercher les bidons à l'aide desquels ils firent le plein, puis les phares furent allumés, les 2 hommes mirent la voiture en marche et gagnèrent la lisière de la forêt. Là, ils éteignirent les phares et l'auto s'enfonça dans la nuit, une nuit noire, pleine de nuages orageux.